parti. Bonjour François et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Aveline. Alors merci d'être là aujourd'hui. On va parler de votre parcours, de votre métier, mais commençons par le commencement. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Je m'appelle François Vignon, je suis ostéopathe dans la banlieue nord de Lyon. Parfait. Donc justement, l'ostéopathie, c'est une discipline, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est bien démocratisée, quoi, ces 10, 20 dernières années ? Qu'est-ce que vous diriez ? Surtout depuis la reconnaissance par l'État français en 2007 et l'autorisation de créer des écoles en France, ce D'accord. qui n'était pas le cas auparavant. Avec un diplôme reconnu, du coup. Un diplôme validé, oui, effectivement. D'accord. Alors, il ne faut pas que je dise de bêtises, là. En fait, c'est pas un diplôme, c'est une autorisation d'user du titre d'ostéopathe, précisément. C'est une autorisation d'avoir le titre d'ostéopathe. Tout à fait. D'accord, ok. Donc, puisque ça s'est démocratisé, notamment avec les lois françaises, on est nombreux à avoir recours à l'ostéopathie pour un mal de dos, des problèmes de digestion, peut-être après une grossesse. Mais pour autant, ça va être intéressant que vous nous expliquiez plus en détail aujourd'hui ce que c'est. Donc, moi, ma première question, c'est comment vous, François, dans votre parcours, vous avez un jour découvert l'ostéopathie ? Je l'ai découvert en tant que patient. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport, notamment du volleyball, et j'avais recours au service d'un ostéopathe, de temps en temps, qui me rendait bien service, de façon spectaculaire. Voilà. Par exemple ? Par exemple, une lombalgie aiguë suite à un match de volley et que l'ostéopathe pouvait régler rapidement. D'accord. Donc, vous avez d'abord découvert la discipline en tant que patient. Oui. À quel moment sur votre chemin est venue peut-être l'idée de devenir vous-même ostéo ? Comme je faisais beaucoup de sport, j'ai été attiré par la kinésithérapie au début. Ah. Je ne connaissais pas l'ostéopathie, à part quelques interventions par un ostéopathe. Et c'est depuis la kinésithérapie, d'une certaine façon, un peu déçu des résultats que j'avais, que j'ai eu envie d'aller plus loin. Ok, alors reprenons. Ça veut dire que votre premier métier, c'est d'être kinésithérapeute ? J'étais kinésie pendant 7 ou 8 ans, oui. D'accord. Alors, rappelez-moi, pour être kinésithérapeute, on fait des études de médecine, hein, c'est ça ? Non, à l'époque, c'était un concours d'entrée en école de kinésithérapie. Ce n'était pas une première année commune, médecine, kinésithérapie, ergo, etc. C'était un concours d'entrée dans les écoles de kinésithérapie. D'accord. Donc, vous avez commencé, grâce au sport, à vous intéresser à ces métiers-là à travers la kinésithérapie. Oui. Vous l'avez pratiqué. Vous aviez quel âge quand vous êtes lancé ? Comme kiné, pardon. Comme kiné, je ne sais pas, j'étais en 83, j'ai 59 ans. 20 et quelques années. 20 et quelques années, ok. Ouais. Et là, vous avez exercé, vous dites, pendant 6-7 ans la kinésithérapie. Oui, après 4 ans d'exercice, j'ai commencé la formation d'ostéopathie. Ah, alors... Elles étaient où, vos frustrations dans votre métier de kinésithérapeute, pardon ? J'étais, on pourrait dire, un peu remonté comme une pendule pour, pour parvenir à bien soulager les patients. Et je me rendais compte que dans un certain nombre de cas, en faisant du mieux que je pouvais, je n'avais pas les résultats attendus. Ah, donc c'était les limites de cette pratique-là qui vous frustraient et... C'est là où vous avez eu l'idée d'aller découvrir d'autres disciplines ? Si je me souviens bien, oui, c'est ça. Oui. C'était ça ? Oui. Et est-ce que vous n'avez creusé que du côté de l'ostéopathie ou vous êtes allé chercher ailleurs avant de vous fixer sur l'ostéopathie ? Non, disons que c'était parmi les kinés, on connaissait un peu l'ostéopathie, on avait quelques informations et ça semblait évident, si on voulait aller un peu plus loin, d'aller dans cette direction-là. Oui. Comment était perçue alors à l'époque l'ostéopathie, puisque vous venez de nous dire que ça a été démocratisé dans les années 2000 quand l'État a commencé à reconnaître ce métier-là, donc comment ça se passait ? On est dans les années 80 là, c'est ça ? Oui, c'est ça. 80-90, c'était de l'exercice illégal de la médecine. Ah, carrément ? Oui. Ok. Un certain nombre de confrères enseignants, d'ailleurs, avaient des procès pour exercice illégal de la médecine, mais qui ne se sont jamais soldés par des emprisonnements ou des interdictions d'exercice. Il y a eu un front de dommages et intérêts. Et au bout d'un certain temps, le Conseil de l'Ordre des médecins a laissé tomber cette bagarre-là. Donc, il y avait quand même quoi, une grande défiance du côté de la médecine classique par rapport à cette pratique-là? Oui, il y en a toujours encore un petit peu, mais de moins en moins. Ça veut dire que chez les kinés, il y avait deux écoles. Il y avait ceux qui étaient ultra pro-kinés et puis les autres qui commençaient peut-être à s'ouvrir à ces nouvelles formes-là, comme l'ostéopathie. D'une certaine manière, on peut dire ça, oui. Donc vous étiez de l'école d'ostéopathie et vous avez commencé à vous y former fin des années 80, début des années 90, c'est ça? J'ai commencé en 86, oui. Ok. Ça a pris quelle forme, cette formation? C'était une formation en continu? Vous avez tout arrêté pour... C'était une formation à temps partiel, ouais, qui se faisait en Angleterre. Ah! Et pendant 6 ans, nous allions 4 à 5 semaines par an en Angleterre. On faisait un séjour d'une semaine tous les 2 ou 3 mois. Ce qui vous permettait, j'imagine, de continuer à avoir une clientèle en parallèle dans un cabinet en kiné, c'est ça? Tout à fait. Et pourquoi l'Angleterre, à l'époque, il n'y avait pas de formation en France? Il n'y avait pas d'école d'ostéopathie en France, okay, parce que c'était l'exercice égal de la, ouais, médecine. Il y avait quelques écoles de thérapie manuelle, ouais, qui étaient une façon détournée de présenter l'ostéopathie, ouais, mais c'était pas vraiment de l'ostéopathie, c'était pas un cursus complet d'ostéopathie comme le cursus qui existait en Angleterre. D'accord. Et l'école anglaise était une des écoles les plus réputées à cette époque, oui. Donc l'enseignement se faisait tout en anglais? En anglais et en français. Il y avait une traduction avec certains profs. D'accord, parce que, évidemment, puisqu'en France, il n'y avait pas d'enseignement réglementé, ils recevaient beaucoup d'élèves, ils avaient compris qu'il y avait un marché à prendre avec les élèves français, c'est ça? Oui, la plupart des ostéopathes qui étaient plus âgés que moi se sont formés en Angleterre, oui. D'accord. Donc, vous suivez cette formation à temps partiel? Oui. Est-ce que, une fois formé, vous avez fait un switch assez radical en disant à vos clients, à votre patientèle, j'arrête d'être kiné, je deviens ostéo, ou est-ce que ça s'est fait avec un petit peu plus de douceur, et pour vous et pour eux? Quand j'ai commencé à avoir les moyens de traiter mes patients en ostéopathie, certains patients de ma patientèle de kinésithérapie, j'ai commencé à le faire. Ouais. Et puis en début 93... Donc j'étais diplômé, oui, 93, donc j'ai ouvert ce cabinet là où nous sommes, oui, et j'ai progressivement travaillé de plus en plus dans le cabinet d'ostéopathie et de moins en moins dans le cabinet de kiné. D'accord. Pour finalement laisser tomber la kinésithérapie 2 ou 3 ans après. D'accord, donc ça s'est fait en douceur, mais oui, assez vite. En revanche, me vient une question, c'était une pratique illégale à l'époque? C'était de l'exercice illégal de la médecine, oui. Et vous n'avez jamais été approché par des autorités de quelque manière que ce soit? Il y avait, non, une tolérance plus ou moins dite? Il faut dire que les gens qui étaient inquiétés, c'était plutôt les enseignants. Ah. Parce qu'il y avait de plus en plus de confrères, et je pense qu'ils n'avaient pas forcément les moyens. Le Conseil de l'Ordre ou le syndicat des médecins ostéothérapeutes n'avaient pas forcément le temps et les moyens d'attaquer tous les ostéopathes qui s'installaient, puisque c'est l'époque où il y en a beaucoup qui ont commencé à s'installer. Oui. Oui. Donc on vous a laissé tranquille et vous avez pu pratiquer l'ostéopathie. C'était pas hyper confortable, mais oui, ça s'est passé comme ça. Ouais. Ça s'est passé comme ça. Mmh. Et alors, est-ce que vous avez pu trouver dans l'ostéopathie ce que vous ne trouviez plus dans la kinésithérapie? Est-ce que, effectivement, vous avez pu, avec l'ostéopathie, soulager des maux que vous ne soulagiez pas avec la kinésithérapie? Tout à fait. Ah, ouais. Et par exemple, dans quel cas vous avez vu une différence entre les deux approches? Le traitement de tous les maux de dos, l'efficacité était bien meilleure. D'accord. Oui. Ok. Donc ça veut dire que là, vous étiez plus avec des patients sportifs, on a parlé des sportifs tout à l'heure, pas nécessairement? Il y avait un petit peu de tout, mais c'est dans ce domaine-là que la différence était la plus spectaculaire. Après... j'ai pu prendre en charge des choses que je ne savais pas prendre en charge avec mon savoir-faire de kinésithérapeute. D'accord. Notamment chez les sportifs, effectivement, qui sont très, très sensibles, affûtés, et qui pouvaient avoir des plaintes qui n'entraient pas dans le cadre de ce que je savais faire. Par exemple? C'était pas assez grave, par exemple. Ah, d'accord. Je savais très bien, un kiné peut tout à fait aider un patient qui a une fracture ou une entorse. Mm-hmm. Le rééduquer, Alors que des douleurs séquelaires, par exemple, suite à ce type d'événement, on est mal équipé pour le faire. On peut le faire aussi, mais l'ostéopathie a porté un net plus à ce D'accord. niveau-là. Donc vous avez trouvé en ostéopathie une réponse satisfaisante, sauf que depuis, vous avez encore évolué, puisque dans votre pratique, vous proposez aussi des séances d'ostéopathie somato-émotionnelle, si je ne me trompe pas. Donc à quel moment l'ostéopathie classique a été pour vous un peu limitante et à quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais aller creuser de ce côté-là? Et comment d'ailleurs en avez-vous entendu parler de cette approche-là? Alors, c'est pas qu'elle était limitante, c'est que j'ai toujours été intéressé par l'aspect psychosomatique des symptômes que m'amenaient mes patients. Ça, c'est quelque chose que déjà qui déjà m'interpellait quand j'étais kinésie. Ok. Et ensuite, un confrère avec qui j'avais fait l'école de Maidstone en Angleterre m'a parlé d'une formation que faisait un confrère ostéopathe dans une école d'ostéopathie à Saint-Étienne, qui était un travail qu'il appelait à cette époque libération somato-émotionnelle. Donc j'ai commencé cette formation en 97. Ok. Voilà. Et pareil, cette formation, elle a duré longtemps, elle se faisait en parallèle de votre métier, j'imagine. Oui, c'est une formation qui se faisait, je crois qu'on faisait 4 stages par an de 3 jours ou 4 jours, et puis on a fait ça pendant 3 ou 4 ans, je m'en souviens plus précisément. Et ensuite, on a gardé l'habitude d'une part, d'avoir un travail de supervision avec notre enseignant en tant que praticien, et d'autre part, à avoir annuellement une piqûre de rappel, une formation complémentaire de 2 jours. Ce qu'on D'accord. continue de faire Et d'ailleurs. aujourd'hui encore Oui, alors. oui, D'accord. oui. Quand même, vous avez eu quelques virages dans votre vie professionnelle. Comment ça a été perçu à chaque fois par votre entourage? J'ai pas le sentiment que ça a été mal perçu. Plutôt bien, on va Et dire. alors bien Ouais, alors. ouais. Super. Ok. Donc, maintenant qu'on a évoqué votre parcours, ça va être intéressant de parler de votre métier aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une question certainement idiote, mais en même temps, ça va mieux en la posant. On connaît l'ostéopathie. Moi, la première, je consulte des ostéos. Mais alors, rappelez-nous concrètement, qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie? L'ostéopathie, c'est la recherche des blocages dans le mouvement du corps humain, de toutes les structures qui sont appelées à bouger. Et une fois qu'on a trouvé ce qui ne bouge pas, l'objectif est de redonner du mouvement. Que ce soit, au départ, c'était plutôt sur les structures articulaires, le Ouais. dos et les membres. Et puis, cette nécessité de mouvement, elle existe aussi dans le système viscéral, dans les Ouais. fascias, qui sont les enveloppes du corps, dans les Ok. os du crâne, surtout chez Ah. les enfants. Oui. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est d'identifier ce qui va être la zone qui ne bouge pas et qui participe ou crée le symptôme. D'accord. Donc aujourd'hui, les personnes que vous recevez, en général, elles viennent avec quelles problématiques? Alors, je ne parle pas de l'aspect somato, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas pour la partie ostéo classique, si j'ose dire. C'est-à-dire que le plus fréquent reste quand même les maux de dos. Oui. Il y a pas mal de patients qui viennent pour des problèmes digestifs, des maux de ventre, Oui. et des enfants, des bébés. Oui. C'est quoi? C'est pour les problèmes de reflux chez les nourrissons, par exemple, ou pas Tous les nécessairement? problèmes que peuvent rencontrer les bébés qui ne sont pas de la pathologie. Oui. Que la médecine, justement, c'est pas bien soigné parce qu'elle soigne très bien la pathologie, mais ce qui est infrapathologique, c'est un peu plus compliqué. Et nous, on peut apporter des réponses puisque en abordant la mobilité dans le corps du bébé, on peut restaurer un certain nombre de dysfonctions comme effectivement des reflux, certaines malformations crâniennes, certaines. Oui, notamment lié à l'accouchement peut-être ou Voilà, ouais. évidemment, quand elles ne sont pas du ressort de l'orthopédiste. Oui. Et tout un ensemble de dysfonctions comme les troubles du sommeil, Oui. où il peut y avoir une réponse avec nos techniques. Ouais. Ok. Donc ça, c'est la partie ostéopathie classique. Maintenant, parlons de l'ostéopathie somato-émotionnelle. Déjà, ça représente en proportion dans les personnes que vous recevez ici dans votre cabinet. Quelles sont les proportions entre l'ostéopathie classique et somato-émotionnelle? Ça représente à peu près la moitié de mon activité maintenant. Ok, d'accord. Donc, cette ostéopathie somato-émotionnelle, comment vous la définiriez maintenant qu'on a compris ce qu'était l'ostéopathie? On va dire que c'est une approche qu'on va qualifier de transversale. Ok. Puisqu'elle emprunte des techniques et des concepts à tous ceux qui ont cherché à mieux aider un patient qui a une certaine problématique de vie, autrement qu'uniquement par des méthodes analytiques. Donc en gros, vous êtes en train de dire, on essaye d'accompagner la personne qui a des problématiques émotionnelles, autrement que par le mental, c'est ça, la somato-émotionnelle ? Ça c'est un aspect, les émotions, ce ne sont pas des concepts, ce sont des réalités qui sont tangibles, qui sont dans le corps, ouais. Et on essaye effectivement d'aider à leur expression à partir du corps, oui. Alors, autant, je pense qu'on voit tous comment peut se dérouler une séance d'ostéopathie. En revanche, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe, si tant est qu'il y ait un mode régulier à chaque séance, mais comment ça se passe quand on vient vous voir pour une séance de somato-émotionnelle? Alors ça va dépendre de la demande. Okay. Ça dépend de la demande du patient. Le patient qui vient avec une problématique de vie, je vais tout d'abord l'examiner. Puisque c'est sur son corps que je prends beaucoup d'informations. Donc c'est là qu'on retrouve la partie ostéo. Oui. Ok. Car le corps et l'esprit sont les deux aspects d'une même chose. C'est ce qu'on dit en médecine chinoise. Et c'est vraiment une base fondamentale de notre travail. Et ensuite, je vais utiliser divers outils comme le dessin ou des mises en situation symboliques. Un peu difficile à comprendre ça. C'est-à-dire que je vais faire une espèce de jeu avec mon patient qui va l'aider à se rendre compte d'une certaine spontanéité qu'il n'avait pas envisagée, d'un manque de réaction là où il pensait avoir une réaction. Et c'est un peu difficile effectivement à expliquer. C'est surtout en le faisant qu'on comprend comment ça marche, quoi. D'accord, c'est mettre peut-être les personnes dans certains rôles. C'est quoi, c'est un ça peu peut des être jeux des de rôle, mais dans des situations qui donneraient à penser que la personne va réagir de cette manière-là et elle réagit spontanément différemment. Alors prenons un exemple concret justement. Est-ce que vous avez en tête un exemple où on met la personne dans une certaine situation et on la laisse exprimer autrement ses émotions ou ressortir autrement? Alors, faut déjà quand même préciser une chose, c'est que l'objectif n'est pas d'exprimer toutes les émotions. L'objectif, c'est, par le biais de l'expression émotionnelle, d'arriver à quelque chose de blessé. Ah. C'est okay. La première chose. Donc, c'est pas... On fait exprimer toutes les émotions possibles imaginables, le patient crie, pleure, rit et il va mieux. Non, c'est à partir de cette expression émotionnelle qu'on va arriver sur quelque chose de blessé, c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc c'est la porte d'entrée, on va dire. D'accord. Vous pouvez me rappeler votre question. La question était, est-ce que vous avez un cas précis où vous mettez la personne dans une certaine situation et qu'est-ce qui se passe pour elle? Oui, il me vient une idée. Bon, imaginons un patient qui vient se plaindre d'une fatigue liée à une charge de travail importante, une charge familiale importante. J'aurais certainement, l'examinant, trouvé énormément de tension sur la zone haute de son corps. J'aurais certainement eu des informations en le faisant dessiner, qui laisse entendre que c'est une partie de son corps qui est particulièrement représentée dans son schéma corporel. Et je pourrais, par exemple, le mettre debout et m'appuyer sur ses épaules. Et à partir de là, tout peut arriver, à savoir quel type de réaction il va avoir, est-ce qu'il va réagir vite, lentement, est-ce qu'il va rester passif, est-ce qu'il, quel mot va-t-il dire, tout ça étant porteur de, étant porteur de sens, à savoir ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne fait pas. C'est à partir de ces réactions-là, donc de sa spontanéité, qu'on va voir comment il s'organise par rapport à justement quelque chose qui est lourd qu'il porte. Ok. C'est un exemple. Et j'imagine qu'après, vous débriefez ensemble pour lui expliquer comment il a réagi dans la situation et du coup, peut-être mettre des mots sur cette situation hyper spontanée où la tête n'a pas eu le temps de réfléchir à comment réagir, c'est ça ? Y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que déjà, la prise de conscience par le patient de sa réaction, c'est quelque chose qui est souvent très parlant. Mm-hmm. Parce qu'à l'instant T, il se passe quelque chose qui va faire circuler des informations dans le psychisme. Et ensuite, effectivement, on peut mettre en place, creuser le pourquoi du comment de cette réaction spontanée, mettre en place une stratégie pour faire que les choses changent, puisque la base de ce travail, de cette approche somato-émotionnelle, c'est d'amener le patient à mettre en place un changement. Oui. Puisque c'est le changement qui fait avancer, qui libère. Et donc, c'est là aussi le lien avec l'ostéopathie, entre le somato-émotionnel et l'ostéopathie, c'est que ce que l'on essaye de redonner, c'est de la mobilité au psychisme, mm-hmm. par le fait qu'on aide le patient à dépasser quelque chose qui est verrouillé, okay. comme la restauration de la mobilité physique D'accord. en ostéopathie classique. Ok, super. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ce métier-là, cette pratique-là vous apporte à vous ? On a bien compris ce que ça apportait à ceux que vous accompagnez, mais à vous, François, qu'est-ce que vous y trouvez ? Vous parlez du somato-émotionnel ou de l'ostéopathie en général ? Les deux, mon capitaine. Alors l'ostéopathie en général, c'est très sympa d'arriver à trouver des solutions sur des problèmes compliqués, et ou sur des problèmes que d'autres n'arrivent pas à résoudre. Oui. Bon. C'est certainement plus sympathique que de s'occuper d'un service contentieux à la banque, par exemple. Donc c'est une forme de reconnaissance, ou en tout cas, voilà, on sent qu'on fait, on participe à faire évoluer une situation qui était jusque-là bloquée. Tout à fait. Ok. Et pour ce qui est du somato-émotionnel, la relation avec le patient est plus approfondie. Bien sûr. Donc c'est une qualité de relation qui est nourrissante et qui, aussi paradoxal que ça puisse paraître, nous fait aussi avancer. Vous, dans votre propre cheminement ? Tout à fait. C'est-à-dire que les problématiques qu'on vous amène peuvent parfois faire écho à certaines de vos propres problématiques, et c'est là où ça va faire... C'est le cas de tous les psychothérapeutes, bien à sûr, savoir que bien sûr. Notre patient nous met face à nos propres dysfonctions. Uh-huh. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une supervision oui. régulière. Comme les psys, oui. Auquel on s'attache. Oui. Et effectivement, quelquefois, on ne peut pas emmener notre patient au-delà de nos propres limites. Oui. Il faut reconnaître ça, dans ces cas-là. Bon, ça rencontre rapidement. Et comment vous gérez alors, dans ces cas-là ? Ah ben, on va voir un confrère. Ok. Vous allez voir un confrère, c'est ça, la supervision, la personne que vous accompagnez va voir un de vos confrères ? Non, on s'aperçoit à un moment donné qu'on a une difficulté avec un patient, qu'on a du mal à avancer, et quand on soumet ça à un confrère, assez rapidement, il met le doigt dessus, puisqu'en fait, le problème, c'est que nous-mêmes, en tant que sujet, on a un peu de mal à être objectif, et le regard extérieur nous permet de voir ce qui est verrouillé, ce qui coince encore chez nous et qui, de fait, nous empêche d'emmener notre patient un peu plus loin. Formidable. Donc, en fait, ça apporte de la lucidité, de la compréhension sur le cas du patient et sur votre propre problématique à vous, potentiellement. Potentiellement, c'est pas le premier objectif, mais effectivement, quelquefois, on se trouve face à des difficultés qui vont nous faire avancer. D'accord. Mmh. Et justement, dans ces difficultés-là que vous rencontrez, ou ces patients-là que vous rencontrez, est-ce qu'il y a des cas qui vous ont particulièrement marqué ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Les cas qui sont toujours... Moi, qui me touche toujours, c'est c'est les gens qui ont des histoires de maltraitance dans l'enfance. L'autre chose qui m'a beaucoup, moi, qui m'a impressionné quand j'ai commencé à faire ce travail, puisque des patients se confiaient, c'était la fréquence des abus sexuels dans l'enfance, et chez les femmes et chez les hommes. C'est quelque chose d'assez étonnant quand les gens osent en parler. Oui, bien sûr. C'est assez étonnant et perturbant. Oui. Après, j'ai pas d'autres cas particuliers qui me citer. C'est déjà beaucoup. Pas mal, oui. Ouais, c'est pas mal, oui, comme vous dites. Qu'est-ce que vous diriez, vous, au jeune François, kinésithérapeute, qui un jour a décidé de changer de voie pour se diriger vers l'ostéopathie? Ah, je lui dirais, continue, c'est bien, parfait. Ah. Tu vas te faire Et plaisir. qu'est-ce que vous diriez au François de dans 5 ans? Est-ce que vous serez toujours ici? Probablement, oui, probablement. J'espère être toujours ici. Je vous le souhaite aussi. J'ai la chance d'être content d'aller au travail le matin. Donc j'ai besoin de vacances aussi, mais du coup, j'envisage pas pour l'instant de m'arrêter. Donc voilà, on a la possibilité aussi dans notre travail de travailler un peu moins, Oui. progressivement. En tout cas, Donc, vous pouvez mettre autant de flexibilité que vous le souhaitez dans vos horaires. tout à fait. Ok, super. Pour terminer, j'ai quelques questions rituelles pour vous, François. La première, c'est, est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller, un livre qui vous a éclairé sur votre chemin, qui vous éclaire encore peut-être? Un livre, non. Un livre, non. Plein de livres, oui. Et là, spontanément, le premier qui vous vient à l'esprit? Puisque je viens de le relire, Christiane Singer, Du bon usage des crises. Du bon usage des crises. Oui. Ok. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ce dont parle ce livre, c'est de tout ce qui se cache derrière une crise, quelle qu'elle soit, entre des êtres humains. Ouais. Et de savoir comment on peut exploiter ce qui a émergé lors de ce différend, lors de cette crise. D'accord, du bon usage des crises. Bon, de Ouais. toute façon, j'en mettrai sur les profils sociaux de La Petite Voix toutes les références, notamment de ce livre-là. Autre question, avez-vous un rituel bien-être quotidien? Oui, depuis quelques années, avec ma compagne, nous faisons de la méditation, je dirais presque tous les matins, je veux dire en moyenne, sur plusieurs années, 3-4 fois par semaine. Ok. Et aussi un petit peu de stretching aussi le matin régulièrement. La méditation que vous pratiquez, vous la faites accompagnée par exemple avec des vidéos sur YouTube ou autre, ou vraiment dans le silence le Non, plus complet, dans le dans le silence. silence. Et alors, ça m'intrigue, qu'est-ce que ça apporte de le vivre à deux? Est-ce que Ça. ça change quelque chose? Ah oui, ça change que quand on a un peu la flemme de le faire, l'autre vous dit, allez, on se fait une petite médite et on le C'est un fait. bon début. Oui, tout à fait. Oui, puis c'est sympa de faire cette chose-là à deux, hein. Et donc, cette méditation, vous la pratiquez, vous dites, depuis plusieurs années. Oui. Quel bénéfice vous y trouvez? Vous les sentez concrètement? Ah oui, on les sent concrètement, c'est-à-dire le bénéfice principal, je dirais que c'est une certaine sérénité. Alors ça, c'est un peu un mot bateau, mais on va dire que c'est le fait qu'on se rend compte qu'on est beaucoup moins envahi par des problématiques de vie matérielles, je pense financières par exemple, à un moment donné, où on se détache plus facilement de ce qui pourrait nous obséder D'accord. Donc, sans effort. évidemment, ça ne résout pas les problématiques, Ah mais en non. revanche, ça permet de prendre du recul et de ne pas être envahi par elle, c'est ça? Tout à fait. Ok, super. Est-ce que vous pouvez me citer 3 mots synonymes de bonheur? Alors j'avais envisagé cette question, vous l'aviez soumise. Ouais. Alors ça va être assez. Il y a un aspect qui n'est pas très spontané, qui est un peu celui d'un thérapeute. Je dirais trois mots dans l'ordre qui seraient acceptation, ensuite présence et enfin joie. Pas mal comme programme, super. Et alors, j'en viens à la dernière question. Et vous, François, est-ce que vous êtes heureux? Ah oui, oui. Très heureux. C'est, ah, la heureux. Réponse est spontanée. Oui, oui, oui. Super, ben, on va rester là-dessus. Je trouve que c'est une jolie façon de conclure notre échange. Merci beaucoup pour ce moment-là que vous m'avez consacré. Vous nous avez accompagnés avec votre douce voix pour nous éclairer sur ce chemin-là de l'ostéopathie et de la somato-émotionnelle. Donc, merci beaucoup. Merci.